Leonkini param shara Leovich. Leonkini param shara Leovich. Leonkini param shara Leovich. Para Leonkini param shara Leovich. Para Leonkini param shara Leovich. Para Leonkini param shara Leovich. Para Leonkini param shara Leovich. Para ta paso zaku letras nigga. Pas moi le mec, j'envoie le buzz, appelle-moi Imekwan. J'suis seul dans mon espèce, donc j'suis pas sur MySpace. J'ai des billets, pas des pièces, petit à petit, en avant l'euro. Je marche la tête en l'air, je rêve de toucher le ciel. J'suis pas le boss du game, mais mon flow, tu peux pas tester. J'ai trop la haine, mais jamais dans le peur. Je vis en haut, t'es number one, un jour tu me verras. Nous business dans le game, on ne connaîtra pas l'échec. J'suis comme un joueur d'échec, j'défie même les boss du game. J'suis pas un héros, mais j'ai de l'euro. Mais quand je rappe et quand je rappe, lève les mains en l'air. 2013, ça mon flow en l'air. Para, Leonkini, para, m'chara, Leovich. Para, Leonkini, para, m'chara, Leovich. Para, Leonkini, para, m'chara, Leovich. Para, Leonkini, para, m'chara, Leovich. Para, ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Pour savoir les thunes, ouais, des coups et misère concentré. Ma baisse de prod, GLM, ta carrière, t'en feras. J'admire tous les meufs, à cause du climat à l'arrière, on le fera. Comme d'habitude, j'arrête de voir tous les deux semaines. Mon petit frère m'a dit que le rap était en première classe. La page a tourné, j'écris mes premiers textes pour le mur. Je pense à m'enfuir en bas du bloc. Les ennemis veulent qu'on les enferme à force de fumer. Ouais, jusqu'à 5 ici, tout va bien. Point de négro sur ma liste. J'ai l'avantage, appelle-moi Eva aux alentours. Euro dans la caisse, yo business, on fait l'affaire. L'affaire. Para Leonkini, para m'chara Leovich. Para Leonkini, para m'chara Leovich. Para Leonkini, para m'chara Leovich. Para Leonkini, para m'chara Leovich. Para ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Big money, Jaya Malin, Simba, more machine. Funko and Lini Town, Leon, Zinga, Lamborghini. Gucci niggas para Malin, Sedia, Tamaskin. Vuli kiye fundi, wami shindi, tua machine. Neka utson, utungen, swala, tanis, kama fun. Markenye gnazi para, weni, Leon, kama kin. Fucking Gucci nigga, Louis Vuitton, funa spinda. Neka utoni, one tengele, yongie nigga. My bitches oni, venza, mana, ari, wamu himba. Atani spinda, tan, swagi, wampu, wengu, ndunga. Fanye tini, miliardeni, wami, zeno, tunga. Utoni, dunge, wishi, mwengi, ata, tingyo, shonga. Para, Leonkini, para, mshara, Leovich. Para, Leonkini, para, mshara, Leovich. Para Leonkini, para m'chara Leovich. Para Leonkini, para m'chara Leovich. Para ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Ta paso za tu levetas, nigga. Fuck, bitch. Man, cash money. Young business. Which game? 13-0. Bitches nigga, Elwis nigga. Money. Fuck. Biatch. Lil Yo. 13-0. FAI. Long business. Mekwan. Elwis nigga. YMCB. Casper Productions. Rich nigga. Productions. Casper Productions.